Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Inch'Allah ta'ala, continue dans le fiqh. On est dans bab sifatil wudu, c'est-à-dire la porte de la manière de faire les ablutions. Et donc, nous avions dit précédemment, Allahu a'lam, que les portes du livre n'étaient pas l'action de l'auteur, de Cheikh Abdurrahman Sa'adi, mais que c'était l'imprimeur qui les avait mis les portes. Mais malgré tout, la porte de la manière de faire les ablutions, elle précède la porte de l'Ghusl pour deux raisons. Il faut savoir que l'Ghusl, normalement, c'est la première chose que nous devons faire avant l'Wudu. Mais, ou sinon, nous faisons l'Wudu, puis l'Ghusl. Mais est-ce que nous pouvons faire l'Ghusl Al-Mudzi, c'est on peut aussi. C'est-à-dire le fait de faire simplement le nez, la bouche et laver le corps directement. Mais les ulama, ils ont qaddem la porte de l'Odo à la Bab al-Ghusl, sur la porte des grandes ablutions. Premièrement, parce que c'est al-fi'l al-Qur'an. C'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal, elle a été rapportée comme ça. Allah Azzawajal, lorsqu'il a parlé des ablutions, il a commencé par l'Odo, puis l'Ghusl. Dans le verset de l'Maïda. Thanian, c'est لأنه أكثر وقوعا. La personne, il fait plus les ablutions que le rousse. Il est plus fait. Donc il faut savoir qu'il y a une grande récompense pour celui qui fait les ablutions. Nabi Sassim, il a été rapporté de lui qu'il a dit At-tahur shatrul iman. C'est-à-dire la purification rituelle est la moitié de la foi. Et il a dit aussi, alayhi sallallahu alayhi sallam, ce hadith est dans muslim, celui-là est aussi dans muslim, il a dit, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, kharajat khatayah min jasadihi hatta takhruj min tahti adhfari. C'est-à-dire, il a dit, celui qui a fait les ablutions et qui les a fait correctement, les péchés vont sortir de ses ongles comme et les péchés vont sortir de son corps par ses ongles. C'est-à-dire qu'il va se purifier en faisant les ablutions. Et il a dit aussi dans Sahih Muslim, alayhi sallallahu alayhi sallam, il a dit, Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi al-daraja, ou al-darajat, il a dit, Isbagh al-wudu ala al-makari. Il a dit, voulez-vous que je vous montre qu'est-ce qui efface les péchés et élève le degré? Ils ont dit, Bala ya Rasulallah, il a dit, le fait de faire ses ablutions avec, dans la difficulté. Donc les ablutions, c'est le fait de se purifier. De se purifier d'une manière précise. D'une manière précise. Donc il faut savoir que l'eau d'eau était prescrit déjà dans les communautés qui nous ont précédés. Et ceci est la preuve de ceci, c'est le hadith de Juraïj, al-Rahib. Juraïj qui vivait dans la tour, là, le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Où il adorait Allah Azza wa Jal dans la tour, et après lui ont détruit sa tour, etc. On a déjà raconté le qissa plusieurs fois. Il a dit dans le hadith qu'il a fait les ablutions pour faire la prière. Donc ça veut dire que c'était prescrit déjà avant nous. Et il a été rapporté aussi dans Sunan ibn Majah, un hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, je dis aurait dit puisque c'est un hadith qui est faible, et qui a été rendu faible par Ibn Hajar, entre autres, où il aurait dit « Hada wudu'i wa wudu al-anbiya'u min qabli » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Ce sont mes ablutions et les ablutions des prophètes avant moi. » Cependant, ce hadith, il n'est pas authentique. Donc, nous ne pouvons pas l'utiliser comme preuve. Donc, les autres communautés, ils avaient les ablutions, mais « Hadihi al-umma khussasat » Cette communauté, elle a été particularisée malgré qu'ils avaient l'eau d'eau, il n'y a que cette communauté qui aura les traces yom al-qiyamah des ablutions. Al-ghurra wa al-tahjil, c'est-à-dire le fait que la communauté vienne avec des traces blanches sur le visage et sur les membres, ceci est particulier à la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand les compagnons nous disent comment vas-tu les reconnaître, il leur a dit par les traces qu'ils auront de l'impact des ablutions. C'est-à-dire que les autres communautés n'oseront pas ces traces-là. Mais ils ont fait les ablutions avant nous. Donc qu'est-ce que les ablutions ? Déjà, il faut dire que al-wudu, al-wudu, bidamm al-waw, c'est-à-dire en mettant ad-damma sur le waw, eh bien, veut dire al-fi'l, c'est-à-dire le fait de faire les ablutions. Le fait de faire les ablutions. Mais si on dit al-wudu bi-fath al-waw, cela veut dire al-shay alladhi yatawaddau bih. C'est la chose avec laquelle on va faire les ablutions. Donc il y a une différence entre al-wudu bi-dam al-waw ou al-wudu bi-fath al-waw. Et l'wudu, c'est quoi ? Al-wudu huwa at-ta'abbud lillah بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. C'est-à-dire c'est le fait d'adorer Allah en lavant les quatre membres avec une qualité d'une manière particulière. D'une manière particulière. C'est-à-dire que tu vas laver ces membres-là qui ont été cités dans le Coran et dans le Sunna d'une manière particulière. Donc il dit الإمام السعدي رحمه الله تعالى الجي وهو يعني الآن بدأ في بيان صفة الوضوء il a commencé à citer la qualificatif ou la manière de faire les ablutions. Il dit وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. Donc il dit premièrement, il faut avoir l'intention de lever le qualificatif qui empêche de faire les ablutions ou de faire les ablutions pour faire la prière. Donc, il a commencé par l'intention, rahimahullah. Et la majorité des savants considèrent que l'intention est une condition dans les ablutions. L'intention est une condition dans les ablutions. Et celui qui fait les ablutions sans attention, eh bien, ces ablutions sont nulles. Ces ablutions sont nulles. Et l'intention, mahalluha al-qalb, wa talaffudu biha bid'atun. C'est-à-dire que l'intention, l'endroit de l'intention, c'est le cœur. Huwa azmu al-qalbi ala al-fi'l. C'est-à-dire que le cœur, il est décidé pour faire l'action. Mais, et son endroit n'est pas la langue. C'est-à-dire le fait de dire avec la langue, l'intention, c'est une innovation. Que ce soit dans la prière, ou dans les ablutions, ou dans n'importe quelle autre adoration. Et il y a une exception pour le hajj. Et on viendra, inshallah, on reviendra dessus le moment venu. قال ابن القيم رحمه الله تعالى النية هي القصد والعزم على فعل الشيء ومحلها القلب لا تعلق لها باللسان أصلا ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه التلفظ بها بحال ولا سمعنا منهم أو فيهم ذكر ذلك أو عنهم ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, l'intention c'est le fait d'être décidé à faire l'action. Son endroit est le cœur et elle n'a aucun lien avec la langue. C'est pour cela qu'il n'a été rapporté ni du prophète ni de ses compagnons qu'ils disaient leurs intentions avec leur bouche. Et nous n'avons pas entendu cela d'eux. Yani cela n'a pas été rapporté d'eux. Donc il dit l'imam Sa'di rahimahullah wa huwa an yanwiya raf' al-hadath. C'est-à-dire qu'il lève ce qualificatif qui empêche de faire salat. Vous remarquerez que Cheikh Sa'di n'a pas dit wa izalatul khabath. Car izalatul khabath, le fait d'enlever les impuretés, que ce soit du corps ou du vêtement ou de l'endroit, il n'y a pas besoin d'avoir une intention. Car c'est une izala, c'est le fait d'enlever. Vous comprenez ? C'est une izala. Wal izala la tahtaj ila niyya. Il dit ensuite wa niyyatu shart li jami'i al a'mal min al taharati wa ghayriha. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. Donc il dit que l'intention est une condition pour toutes les actions, en particulier pour les ablutions. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée dans les deux authentiques, les actions ne valent que par les intentions. Et l'homme n'aura que ce qu'il a eu comme récompense, que ce qu'il a eu, que ce qu'il a eu l'intention de faire. C'est donc pour cela que les actions, mes très chers frères, ils ne valent que par les intentions. Que par les intentions. Donc, il dit l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fil qawa'id fiqhiyya, dans son livre du recueil des règles, des fondements des règles de jurisprudence, il dit An-niyyatu shartun li sa'iril 'amal. L'intention est une condition pour toutes les actions. Biha as-salaha wal-fasada lil 'amal. Il dit avec l'intention, l'action est bonne ou l'action est mauvaise. Donc l'intention, il n'y a aucun doute que c'est une condition pour que les ablutions elles soient bonnes. Et à quoi sert l'intention? L'intention, premièrement, lorsqu'on parle de fiqh, l'intention parmi les bénéfices de l'intention, c'est qu'elle différencie entre les habitudes et les adorations. هِيَ لِلْتَمِيزِ بَيْنَ الْعَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ. Dans un premier lieu, elle différencie entre ce qui est adoration et ce qui est habitude. Deuxième chose, تُمَيِّزُ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ بَعْضُهَا أَنْ بَعْضُ. C'est-à-dire qu'elle différencie les adorations les unes envers les autres. Donc par exemple, une personne qui fait une adoration, qui fait le dhuhr ou qui fait l'asr, dans la manière qu'il fait, nous n'allons pas voir de différence. Mais c'est son intention qui va différencier entre les deux. Qu'est-ce qui prouve aussi qu'il faut absolument l'intention lorsque nous faisons les ablutions? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il dit « Ya ayyuhal ladhina amanu » « Oh vous qui avez cru »« Iza kumtum ila salat »« Farsilu wujuhakum » C'est-à-dire le Allah Azza wa Jal il dit « Oh vous qui avez cru » Lorsque vous voulez faire la prière, yani lorsque vous avez l'intention de faire la prière, eh bien faites les ablutions. Donc il faut absolument qu'il y ait l'intention lorsque la personne veut faire les ablutions. Ensuite il dit l'auteur rahimahullah ta'ala ثم يقول بسم الله. C'est-à-dire là on commence dans l'explication des ablutions. Inch'Allah ta'ala à la fin quand on aura expliqué tout ce qu'il dit, eh bien nous reviendrons en gros sur la façon de faire les ablutions. Il dit, donc une fois qu'il a eu l'intention, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Bismillah. Et al-basmala fi l'wudu mahallu khilaf bayna al-ulama. C'est-à-dire les savants, ils ont divergé sur le jugement de la basmala, c'est-à-dire du fait de dire Bismillah lorsque la personne veut faire les ablutions, avant de faire les ablutions. Donc il y a la majorité des savants qui considèrent la basmala, c'est-à-dire le fait de dire Bismillah avant les ablutions, comme étant une sunna. C'est-à-dire que la personne a dit Bismillah avant de commencer ses ablutions. Et il y a le madhab de l'imam Ahmad qui considère que dire le basmala au début des ablutions, c'est obligatoire. Et que celui qui délaisse le basmala, amdan, c'est-à-dire en toute conscience, eh bien, ses ablutions sont nulles. Et celui qui se rappelle de le basmala pendant les ablutions et qui l'a oublié, au début, il doit la dire pendant les ablutions. Et ceci est l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Donc, il se base. Les savants qu'ils ont dit, comme l'imam Ahmad, sur l'obligation, ou d'autres, sur l'obligation de dire le basmala, du hadith qui est rapporté par Ibn Majah, d'après Abi Sa'id al-Khudri, où il dit « La wudu'a liman lam yadhkur isma Allah ta'ala ». Il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas « Bismillah ». Il y a un autre hadith qui est rapporté aussi, d'après Sa'id ibn Zayd, qui est rapporté par Ahmed entre autres, Ibn Majah, Tirmidhi et d'autres, il dit « La salata liman la wudu'a lah, wa la wudu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayh ». Donc il dit « Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas les ablutions, et il n'y a pas d'ablution pour celui qui ne dit pas Bismillah au début de ses ablutions. Bien sûr, la majorité des savants considèrent que Al-Basmala n'est pas obligatoire et qu'elle est sunnah. Mais quel est l'avis le plus authentique dans les deux? Le plus authentique, mes très chers frères, c'est que Al-Basmala, c'est une sunnah. Ce n'est pas obligatoire au début des ablutions. Pourquoi? Alors qu'on vient de citer les hadiths. On va dire premièrement parce qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran, il ne l'a pas cité le basmala. Il n'a pas cité al-basmala. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila s-sala, farsilu » Il n'a pas dit « Fasammullah ». Il a dit « Farsilu wujuhakum ». Contrairement à « Al-Dhabiha » ou « Al-Sayd ». Allah, lorsqu'il parle d'égorger la bête ou lorsqu'il parle de la chasse, de la bête qui est chassée, il dit « Dites le nom d'Allah Azza wa Jal. » Donc il n'y aurait pas eu de problème dans le fait que Allah, si ça aurait été obligatoire, il l'aurait cité dans le Coran. Deuxièmement, c'est les hadiths qui ont été rapportés dans les recueils authentiques qui nous donnent la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions. Entre autres, le hadith de Uthman ibn Affan qui est très connu, qui est dans les deux recueils authentiques et d'autres où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite, ou le compagnon cite les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail. Et il ne cite pas le basmala dedans. Il ne cite pas le basmala dans ces hadiths-là. Troisième chose qui nous fait dire que le basmala c'est une sunna, c'est que les hadiths qui ont été rapportés, les deux hadiths que j'ai cités précédemment, sont des hadiths où Ahlul Ilm, ils ont parlé sur leur authenticité. Et beaucoup de savants ont considéré ces hadiths comme étant des hadiths qui étaient des hadiths faibles. Et notamment l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsque Abu Daoud, fil Masail, il lui a demandé à l'imam Ahmed sur le basmala au début de l'oudo, il a dit « La yasihu fi had al-bab shay » Il n'y a aucun hadith dans cette porte qui est authentique. C'est-à-dire dans la porte de l'basmala au début des ablutions. Quatrième chose, c'est le hadith qui est rapporté par Ibn Umar. Qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud. Qu'un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Un Arabi est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué la manière de faire les ablutions sans lui citer le basmala. Donc c'est pour ça que nous disons qu'en réalité, il n'y a aucune preuve qu'il faut dire la basmala au début des ablutions, si ce n'est umum al-adillah, les preuves générales qui disent qu'il est bien de dire le basmala au début de chaque action. Ensuite, il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir parlé de al-basmala, il dit « وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا » وَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا » C'est-à-dire qu'il lave ses mains à trois reprises. Il lave ses mains. C'est-à-dire, là, on rentre dans les ablutions clairement. C'est-à-dire, une fois qu'il a dit « Bismillah », il lave ses mains trois fois. Et ceci est une sunna. Le fait de laver ses mains trois fois est une sunna bil-ijma'. Il n'y a pas de khilaf. Et ceci est rapporté dans le hadith de Uthman, qui est connu, qui est dans les deux recueils, où il a dit « Annahu da'a biwadu fatawadda'a faghassala kaffayhi thalath marrat » Il dit, il a demandé qu'on lui ramène de l'eau, c'est-à-dire Uthman, puis il a lavé ses mains trois fois. « Qala an-Nawawi rahimahullah wa hada dalilun ala ghuslihima » في أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. Il dit que ce hadith nous prouve que il faut faire laver ses mains trois fois au début des ablutions et ceci est le consensus des savants. Donc la personne lorsqu'il commence à laver ses mains, à faire les ablutions, eh bien il lave ses mains trois fois. Maintenant, il y a un sujet qui est en rapport avec le lavage des mains. Et c'est ce qui est en rapport avec « Takhlil ul-Asabi'a ». C'est-à-dire le fait de frotter entre les doigts. Le fait de frotter entre les doigts. Quel est le jugement sur le fait de frotter entre les doigts? Eh bien, là aussi, il y a une divergence entre les savants, où certains, et ce sont la majorité, ils disent que تخليل الأصابع مشروع, que c'est quelque chose de recommandé, le fait de nettoyer entre ses doigts. Certains l'ont rendu obligatoire, et ceci comme certains malikites. Certains malikites considèrent que تخليل الأصابع أمر واجب. Et il est rapporté d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qu'il a dit que c'était sunnah, c'était recommandé de temps en temps. C'est-à-dire lorsque il y avait des impuretés entre tes doigts, des saletés entre tes doigts, sinon, eh bien, ce n'est pas recommandé. Car dans les hadiths authentiques rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il n'est pas rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nettoyait entre ses doigts. Mais il est rapporté qu'il avait ses mains trois fois. Mais certainement, il n'y a aucun doute que si la personne a des saletés entre ses doigts, eh bien qu'il doit absolument nettoyer entre ses doigts. Donc l'avis de Ibn al-Qayyim est un avis qui est très, très fort. Puis, quelle est la manière de nettoyer entre ses doigts? Comment faire? Donc il y a plusieurs manières de faire qui a été rapportée par les savants. Premièrement, certains disent, et ce sont la majorité, que les mains, il faut les imbriquer les unes dans l'autre pour nettoyer ses doigts. Et ceci est l'avis de la majorité. En ce qui concerne les pieds, il faut utiliser le petit doigt et passer entre les doigts de pied. Ceci est la parole de la majorité. D'autres, ils ont dit que même les mains, on devait les nettoyer avec le petit doigt et le faire passer entre les doigts. Et ceci, c'est un avis de Shafi'iyya, des Shafi'ites. Le troisième avis, c'est l'avis de Imam al-Haramayn al-Juwayni, où il dit qu'il n'y a pas de manière particulière qui explique comment nettoyer entre les doigts. Certes, il a été rapporté dans certains hadiths, notamment dans le hadith de Laqita Ibn Sabra, où il dit que le prophète Sassim a dit Isbir l'oudou wa khallil bayn al-asabi. Et ce hadith est rapporté par Abu Daoud, où le prophète Sassim a dit fais les ablutions et lave entre tes doigts. Et nous parlons bien sûr de takhlil al-asabi, c'est-à-dire de laver entre les doigts pendant les ablutions. Car nous savons que c'est une sunnah de l'fitra, comme cela a été rapporté, que c'est une tradition de la sainte nature de laver entre les doigts. Mais là, nous parlons de al-wudu en particulier. Donc, comment faisons-nous pour laver entre les doigts? L'avis le plus authentique, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire. Car tous les hadiths rapportés dans ce sens sont des hadiths qui ne sont pas authentiques. Notamment le hadith qui est rapporté par al-Mustawrad ibn Shaddad, où il dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى فخلل أصابع رجليه بخنصره. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith a été rapporté par Ahmed, il a nettoyé entre ses doigts de pied avec le petit doigt. Et ce hadith est rapporté par Ahmed, cependant ce hadith est faible. Cependant ce hadith a été considéré comme étant un hadith faible. Donc la personne, lorsqu'il lave ses mains, eh bien il lave ses mains normalement. Et si il s'avère qu'il a une impureté ou une saleté entre ses doigts, eh bien il est bien de laver entre ses doigts. Et ceci comme il a été rapporté du prophète alayhi salatu wassalam. Thumma yatamadmad wa yastanshaq thalathan. Il dit l'auteur ensuite, il lave sa bouche et il fait rentrer de l'eau dans son nez et il la fait ressortir. Bithalathi gharafat. C'est-à-dire avec trois prises d'eau. Donc il faut d'abord savoir qu'est-ce que al-madmada. Al-madmada, c'est Tahrikul ma fil fam. C'est le fait de rentrer l'eau dans la bouche et de le faire bouger. C'est ça le madmada. Donc la personne, lorsqu'il rentre de l'eau dans sa bouche, il fait bouger l'eau dans sa bouche, eh bien, cela, c'est al-madmada. Thumma l'istinshaq, c'est le fait de, c'est-à-dire le fait de tirer de l'eau avec son nez, de l'aspirer, puis de le ressortir. De l'aspirer avec son nez, et puis de le ressortir par le nez. Donc, المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء في حكمهما. Il y a une divergence entre les savants sur le jugement du nez et de la bouche. Il faut savoir que il a été rapporté par certains que c'est une obligation. Que c'est une obligation de faire le nez et la bouche. Comme cela a été rapporté dans les deux recueils authentiques, dans le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. يستنثر أي يخرج الماء بنفسه. Donc il a ordonné. Ils disent que le fait qu'il ordonne, c'est une obligation. Il y a aussi le hadith de Uthman que nous avons cité précédemment dans les deux recueils authentiques, que Uthman, lorsqu'il a fait les ablutions, فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا. Il a fait la bouche, il a aspiré l'eau avec son nez, puis il l'a ressorti trois fois. Donc ceci nous pousse à croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait très peu le fait de la bouche et le nez. فداوم عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. Donc ils ont dit que c'était une obligation. Et ceci est le madhab de l'imam Ahmed, entre autres. D'autres ont dit que c'était une sunna. Que le nez et la bouche, le fait de les laver, était considéré comme une sunna. Et ils ont pris comme preuve notamment le verset où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salah, faghsilu wujuhakum. » Allah dit, lorsque vous levez pour prier, lavez vos visages. Puis lavez vos mains jusqu'au coude, puis essuyez vos têtes, puis lavez vos pieds. Allah dans le verset n'a pas cité ni la bouche, ni il a cité le nez. Entre autres, ils ont pris aussi comme preuve le hadith qui est rapporté dans Sunan Abi Daoud, le hadith de Rifa'ah ibn Rafi', où il dit qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé à propos des ablutions. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: Tawadda kama amaraka Allah. Fais les ablutions comme Allah t'a ordonné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas cité la bouche et le nez. Il lui a dit: fais les ablutions comme elles sont dans le livre d'Allah azza wa jal. Et ceci est l'avis de la majorité, que le nez et la bouche sont une tradition et ne sont pas une obligation. En ce qui concerne le hadith de Rifa'a, c'est un hadith où certains ulama ont parlé dessus sur le fait qu'il est authentique ou dans sa faiblesse et dans son authenticité. Malgré tout, l'avis le plus prépondérant, malgré que la majorité des savants de notre époque, je parle, considère que c'est une obligation le nez et la bouche, eh bien l'avis vers lequel nous penchons, c'est l'avis que ce sont deux traditions. Le nez et la bouche, ce sont deux sunnah. Dans le sens où le verset est explicite, dans le fait où celui qui lave son visage, qui lave ses mains jusqu'au coude et qui essuie sa tête et ses pieds, et qui lave ses pieds, eh bien qu'il peut faire la prière. Car Allah Azza wa Jal dit, lorsque vous vous levez pour la prière, eh bien faites ceci et cela et cela et cela. Donc cela implique que le verset est explicite et qu'il rend la chose non obligatoire. Puis nous disons que ceux qui disent que le visage comporte le nez et la bouche, c'est-à-dire que la bouche et le visage et la bouche et le nez font partie du visage. Nous disons tout simplement que Allah Azza wa Jal nous a pas demandé de laver l'intérieur du visage. Sinon, dans ce cas-là, nous serons obligés de laver les yeux aussi. Et ceci est l'interprétation qu'a eu Ibn Omar, entre autres, dans le fait où il mettait de l'eau dans ses yeux pour laver lorsqu'il faisait les ablutions. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ce qui nous a été demandé de laver lorsque Allah Azza wa Jal dit « Warsilu wujuhakum » c'est ce qui est apparent. « Ma yahsulu bihi al-muwajaha » c'est-à-dire ce qui est apparent du visage et non pas ce qui est à l'intérieur. Donc nous disons que la vie le plus authentique, c'est le fait de dire que le nez et la bouche ne sont pas des obligations. Et donc, celui qui les délaisse lorsqu'il fait les ablutions, eh bien ses ablutions sont bonnes. Et que sa prière est bonne. Malgré qu'il y ait une divergence, qui est une divergence qui est assez importante. Puis l'auteur nous dit « bi thalathi gharafat », c'est-à-dire en prenant trois fois de l'eau. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait ses ablutions, il prenait trois fois de l'eau pour le nez et la bouche. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le nez et la bouche avec une poignée d'eau. Avec une poignée d'eau. Et ceci a été rapporté par Zayd, radiyallahu anhu, lorsqu'il dit « ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَضْمَدَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍ وَاحِدٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا » rapporté par le Bukhari ou Muslim. Il dit Zayd, donc le prophète s'est mettait sa main dans l'eau, il prenait une prise d'eau et il faisait sa bouche et son nez d'une fois. C'est-à-dire il met un peu d'eau dans son nez, un peu d'eau dans sa bouche, un peu d'eau dans son nez. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وكان عليه السلام وكان عليه السلام يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه. Il dit ibn al-Qayyim, le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il faisait les ablutions, il liait entre la bouche et le nez. Il prenait de l'eau une fois, la moitié allait dans sa bouche et l'autre moitié dans son nez. Vous comprenez? وأما من فصل بينهما كالشافعية مثلا. Et ceux qui ont considéré que nous devions faire la bouche trois fois et le nez trois fois, comme les Shafi'ites, entre autres, eh bien ceux-là se sont basés sur des hadiths qui sont faibles, qui n'ont aucune authenticité. Donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire le nez et la bouche en même temps. C'est de faire le nez et la bouche en même temps, c'est-à-dire avec une seule prise d'eau. Et après de recracher. Puis il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, ثم يغسل وجهه ثلاثا. Puis il lave son visage trois fois. Puis il lave son visage trois fois. Donc le visage, il est clair et net que le visage, c'est une obligation dans les ablutions. Et ceci avec le consensus de tous les savants. Avec le consensus de tous les savants. وَالْوَجْهُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الْمُوَاجَهَ. C'est-à-dire que le visage, c'est ce qui est apparent lorsque nous nous rencontrons. C'est-à-dire lorsque je te rencontre, je vois ce qui est apparent de ton visage. Et يَبْدَأُ الْوَجْهُ مِنْ مَنْبَتِ الشَّعْرِ الْمُعْتَدِ. C'est-à-dire où commencent à pousser les cheveux. Normalement, c'est-à-dire si quelqu'un, mathalan, il est chauve, on va pas dire que son visage il va jusqu'à derrière sa tête, non. Mais il commence à partir de l'endroit où poussent les cheveux normalement, habituellement, jusqu'à al-dhiqn, jusqu'à le bas du menton, jusqu'au bas du menton. Et ceci est dans la longueur. Dans la largeur, il est de l'oreille jusqu'à l'autre oreille. Donc il est impératif pour celui qui fait les ablutions de laver son visage. Et ceci est une obligation, comme nous l'avons dit, avec le consensus de tous les savants. Et il a été rapporté dans le hadith de Uthman, le hadith des ablutions, qui est dans les deux recueils authentiques. Il dit qu'il a lavé son visage trois fois. Et le lavage trois fois, bien sûr, c'est une sunnah. C'est une tradition, nous reviendrons, inshallah ta'ala, sur cela. Il y a un sujet qui est assez important à citer. Et c'est ce qui concerne la barbe. Lorsque la personne lave son visage, est-ce qu'il doit absolument faire rentrer l'eau à l'intérieur de sa barbe, ce qu'on appelle « takhlil al-lihya » ou bien il doit faire passer l'eau par-dessus? Eh bien, il y a une divergence entre les savants. Certains considèrent qu'il est obligatoire, si la barbe, de faire « takhlil », qu'il est obligatoire lorsque la barbe est épaisse. Lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire de faire tahlil, de faire rentrer l'eau. Mais si la barbe est fine, eh bien, cela n'est pas obligatoire. D'autres ont considéré que il était sunnah de faire rentrer l'eau à l'intérieur, si la, dans tous les cas, qu'elle soit grosse ou petite. Et ceci est l'avis de la majorité. Mais la réalité, le plus authentique, c'est que le fait de rentrer l'eau, de faire tahlil, n'est pas une sunnah, ni une obligation. Pourquoi ? Parce que ce qui nous est demandé dans la sunnah et dans le Coran, c'est de laver le visage. Et laver le visage, c'est ce qui apparaît extérieurement. On ne nous a pas demandé de faire rentrer l'eau à l'intérieur. Sinon, ça aurait été précisé dans des hadiths authentiques. En ce qui concerne les hadiths qui ont été rapportés, dans notamment Sunan al-Tirmidhi ou Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qui « kana yukhallilu lihyatah », eh bien ces hadiths sont tous des hadiths faibles, car ils sont en contradiction évidente avec les hadiths authentiques qui sont rapportés dans le Bukhari wa Muslim, où les compagnons expliquent les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'expliquent pas qu'il faisait at-takhlil. Donc al-sahih, c'est que tu n'es pas obligé de mettre l'eau dans ta barbe, mais il te suffit de passer l'eau sur ton visage. Il suffit de passer l'eau sur ton visage. En ce qui concerne le jugement de la barbe, c'est-à-dire ce qui dépasse le visage en barbe, c'est-à-dire, est-ce que le fait de m'arrêter ici avec l'eau suffit ou est-ce que je dois essuyer aussi ma barbe avec de l'eau? Et ceci aussi est un jugement dans lequel il y a eu une divergence. Et la majorité considère que il faut le faire et c'est une obligation. Et Abu Hanifa ou Shafi'i dans un avis considère que ce n'est pas une obligation d'essuyer le visage d'essuyer la barbe qui dépasse le visage, et que c'est une chose qui est recommandée, et c'est ce qui a été, et c'est l'avis le plus prépondérant, c'est-à-dire que la personne qui a lavé son visage, yustahab lahu an yamsaha ala lihyatihi, il est conseillé pour lui de terminer et d'essuyer sa barbe par la suite. Donc, l'auteur, il dit, rahimahullah ta'ala, ثم يغسل وجهه ثلاثا. Donc, il essuie son visage trois fois. Il essuie son visage trois fois. Il y a une autre mas'ala qui est rapportée aussi, un autre point, qui est le fait de laver les yeux, de faire rentrer de l'eau dans les yeux. Est-ce que ceci est recommandé ou demandé? Donc, je vous ai cité précédemment, il y a quelques instants, qu'il a été rapporté d'après Ibn Umar fi Muwatta l'imam Malik, dans le Muwatta, que Ibn Umar kana yandahu aynay, c'est-à-dire qu'il mettait de l'eau dans ses yeux, radiyallahu ta'ala an. Donc certains, comme certains Shafi'ites, ils ont considéré que cette action était une action recommandée, et que la personne, lorsqu'il faisait ses ablutions, il devait faire rentrer de l'eau dans ses yeux. Mais la majorité des savants considèrent que ceci n'est pas une sunna et n'est pas recommandé et que nous ne devons pas le faire. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas été rapporté de lui dans aucun hadith authentique que il lavait ses yeux et il faisait rentrer de l'eau dans ses yeux. C'est donc pour cela que je vous ai dit précédemment que certains ont considéré que le fait de laver le visage introduisait l'intérieur, comme le nez à l'intérieur et la bouche, et comme pour Ibn Omar, les yeux à l'intérieur. Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter ici, bidnillah, et nous continuerons inch'Allah le prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.